AXA, partenaire de la relance des pros, soutient l'activité des commerçants locaux. Bonjour. Bonjour, il y a du monde d'ici. Ça n'arrête pas depuis ce matin, mais ça fait du bien tous ces clients. Préparez-vous à nous voir souvent alors. Vous savez, c'est jamais trop. Pour soutenir l'économie locale, AXA a offert à ses clients des bons d'achat à utiliser dans les commerces de proximité. Notre priorité, continuer à accompagner les professionnels dans leur relance. Renseignez-vous sur axalive.fr/relancepro. AXA. Opération sous condition, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le patrimoine afghan aussi riche que menacé, nous avons besoin de coller des qualificatifs aux mots que nous utilisons, pour indiquer la nationalité par exemple. Le patrimoine afghan est celui qui se trouve sur le territoire aujourd'hui couvert par le pays qui se nomme Afghanistan. Bien sûr, ce n'était pas le cas au cours des siècles passés. Les bâtisseurs des murailles de Balkh au XVe siècle n'avaient pas conscience d'être afghans, tout comme les sculpteurs des Bouddhas de Bamiyan, tout comme les constructeurs de la mosquée d'Herat ou du minaret de Jam. S'il est un adjectif que nous pouvons associer au mot patrimoine, c'est sans conteste celui d'universel, car ces richesses sont le bien commun de l'humanité. Philippe Marquis, bonjour. Bonjour. Peut-on parler d'un nettoyage culturel en Afghanistan ? Peut-on le craindre ? On peut tout craindre, hein, mais je pense que, en l'occurrence, le discours actuel des dirigeants du pays ou de ceux qui sont ont pris sa tête actuellement ou qui sont en train de prendre sa tête n'est pas du tout un discours dirigé contre le patrimoine, bien au contraire. Donc je pense qu'il faut attendre et voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que la situation n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a pu constater entre 1995 et 2001, et fort heureusement je dirais. Philippe Marquis, vous êtes conservateur en chef du patrimoine, directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, et justement vous évoquez ce moment très particulier qui a marqué le monde entier de la présence des talibans au pouvoir en Afghanistan et des destructions. Dans cette première phase, ce premier pouvoir taliban, il y avait une volonté, une intellectualisation de détruire le patrimoine chez les talibans. Alors, c'est une question à laquelle j'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre, dans le sens où le mouvement taliban est un mouvement extrêmement hétérogène. En fait, ce nom couvre des réalités probablement très différentes. Et la preuve en est que dans cette période de 95 à 2001, en fait, l'attitude vis-à-vis du patrimoine a été souvent contradictoire. On a des déclarations explicitant une volonté de défendre ce patrimoine national. Et puis, à côté de ça, on a effectivement des œuvres d'iconoclasie qui sont épouvantables, c'est très clair. Dans la volonté de détruire le patrimoine, il y a aussi la connaissance même du patrimoine. Il faut savoir ce qu'il y a à détruire et ce n'est pas simple. Les talibans ciblaient vraiment ce qu'ils souhaitaient détruire, ou alors nous étions ici dans une volonté de provocation, on peut le dire, sachant qu'il y aurait un écho international à ces destructions. Je pense que c'est plus la volonté de provocation que véritablement un but vraiment idéologique. En tout cas, bon, même si la provocation est un outil idéologique, ça je veux bien le concevoir. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus, ne serait-ce que parce qu'effectivement, le message des talibans a été très ambigu pour ce qui est du patrimoine. On peut penser que c'est ça, c'est plus de la provocation, et on pense, je pense à juste raison, que c'est les plus extrémistes qui ont en quelque sorte entraîné le mouvement vers cette dérive iconoclaste. La dérive iconoclaste dont on se souvient tous d'un épisode tragique qui concerne les Bouddhas. J'ai été témoin de la scène de la destruction des Bouddhas. Et je peux tout vous raconter. Ils nous ont choisi nous parce qu'on était un peu leur esclave. Que nos vies ne valaient rien à leurs yeux, puisqu'on était chiites, Hazara. Et si une décharge explosait, ça n'importait pas. Il fallait que ça tombe sur nous, et pas sur eux. Tout ce qu'ils voulaient, les talibans, c'était détruire l'héritage culturel qu'il y avait à Bamiyan. Et comme prétexte, ils utilisaient le fait que les Hazaras avaient pour dieu ces Bouddhas et qu'il fallait absolument les détruire à cause de ça. Les gens sont morts pendant la destruction des Bouddhas. Les talibans allaient aussi tous les jours dans les villages pour tuer des gens. Tous les jours. C'était uniquement de la tuerie. Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur des talibans ? J'ai tellement peur des talibans qu'aujourd'hui je ne peux pas me rendre à Mazar ou à Kaboul. Je ne peux aller nulle part. Je reste ici. Ce que voient les Bouddhas. Les pieds sur terre de Sonia Kronlund à écouter sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France. C'est vrai que Philippe Marquis, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, donc c'était en 2001, a marqué les esprits, vraiment de manière très très forte. Est-ce que pour vous, ce moment a été une bascule dans la prise de conscience de la nécessité de protéger le patrimoine afghan ? Alors oui, bien sûr. Vous savez, lorsque on a tous aussi suivi cet événement dramatique qui a été l'incendie de Notre-Dame, j'étais en Afghanistan. Et la réaction de nos collègues afghans... pas forcément d'ailleurs, des gens travaillant uniquement dans le domaine du patrimoine, a été de dire, c'est comme lorsque les Bouddhas de Bamiyan ont été détruits. Donc, je pense que cette destruction, elle a frappé les esprits, parce qu'elle a surpris aussi les gens par le, comment dire, l'espèce de vague d'émotion qui les submergeait. Et de même que moi, mes collègues ont été frappés par cette vague d'émotion en voyant donc la flèche de Notre-Dame, un endroit en plus où j'ai travaillé, la flèche de Notre-Dame s'abattre. Donc je pense que là vraiment, on parle de quelque chose qui se réveille, qui est en nous, c'est cette notion effectivement de la fragilité des existences, de la fragilité de l'humanité. Et puis bon, je pense que dans votre parcours scolaire, à un moment donné, vous êtes tombé sur ce fameux texte de Paul Valéry, écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans lequel il dit « Maintenant, nous savons, civilisation, que nous sommes mortels ». Et je pense que ces événements traumatiques, puisqu'il faut parler d'événements traumatiques, hein, au-delà effectivement de la provocation, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, eh bien, effectivement, ils sont un petit peu encore, ils sont très bien décrits par ce que dit Valéry. Justement, Philippe Marquis, l'Afghanistan, vous connaissez particulièrement bien pour avoir pu travailler dans ce pays. Cette émotion, nous la ressentons toujours face aux monuments, face aux créations du passé. La destruction leur donne une profondeur terrifiante. Quand vous êtes sur ce site, notamment de Bamiyan, quel sentiment avez-vous ? Un sentiment de gâchis absolu ou un sentiment d'urgence pour tout ce qu'il reste à sauver ? Alors, je pense que vous avez très bien serré les questions. C'est vrai que ce qui se dégage, c'est les Bouddhas sont partis, disons qu'ils sont partis vers un monde peut-être meilleur pour eux. En tout cas, il y a vraiment une urgence à s'occuper de ce qui reste. Et de ce qui reste qui est connu. Un certain nombre de tous les monuments historiques d'Afghanistan sont relativement bien inventoriés, mais il y a aussi toute une partie de ce patrimoine qui est peu ou pas connu. Et c'est en fait le travail de la DAFA depuis un siècle. C'est aussi pour ça que la DAFA a été créée. C'était pour identifier ce patrimoine afghan, le protéger, le faire connaître. Et donc, pour moi, l'urgence absolue actuellement, c'est de continuer ce travail de protection du patrimoine et de continuer aussi ce travail de sensibilisation auprès de tous, de manière à ce que l'urgence soit vraiment ressenti et que et on comment dire on ne sacrifie pas le patrimoine à d'autres domaines d'intérêt. Voilà, c'est là en ça qu'on mon collègue Nicolas Engel aussi, on est des archéologues militants en faisant valoir effectivement la cause du patrimoine comme étant une cause universelle. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, effectivement, Nicolas Engel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées Drakkil de France et ancien secrétaire scientifique de la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan. Donc vous vous connaissez bien, vous vous êtes retrouvé. Effectivement, nous avons fouillé ensemble depuis 2006. Et justement, je vous pose la même question sur cette émotion liée au patrimoine afghan que vous connaissez et qui aujourd'hui semble menacé, ou en tout cas qui semble très fragile face aux potentielles destructions dont menacent les talibans. Effectivement, donc comme dit Philippe Marquis, on parle de potentielle destruction aujourd'hui. À l'heure actuelle, le musée de Kaboul, qui est le musée national, n'est pas menacé. Il est même protégé par des gardes à l'extérieur. L'équipe n'avait pas repris le travail encore. Je pense qu'ils vont le reprendre petit à petit. Les musées provinciaux qui existaient, que ce soit à Herat, que ce soit à Razni, bon, Razni, la situation était un peu différente, mais ils sont toujours sur pied. Cette destruction potentielle, c'est une perte de mémoire pour l'humanité, pour ce peuple. Mais voilà, ça dépasse, comme a dit Philippe, l'émotion dépasse les simples frontières nationales. Été 2021, les talibans reprennent Kaboul, les musées sont encore protégés jusqu'à quand? Mais cette histoire de la protection du patrimoine afghan doit se comprendre dans celle de la découverte du patrimoine afghan, ce qui nous conduit à l'histoire de la délégation archéologique française en Afghanistan. C'est un nom, acronyme DAFA, la DAFA, mais en vérité c'est une aventure qui commence au XXe siècle. Le premier qui pénètre en Afghanistan doit, bon gré mal gré, la commission me l'a bien fait voir, se rendre au plus tôt en Bactriane. Celui qui entre en Bactriane doit volins nolins aller à Bactre. Celui qui va à Bactre doit fatalement commencer ses recherches par l'Argue. Cela est écrit d'avance sur le livre des destins, à la page tenue à jour par la plus tyrannique de toutes les opinions, celle qui s'appelle l'opinion savante. Marion Malenfant sur France Culture, qui était aujourd'hui Alfred Fouché. Alfred Fouché, archéologue, un des fondateurs de cette délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA. Philippe Marquis, qu'est-ce que cette chose que la DAFA? Quelle était son ambition première? Alors la DAFA, c'est une très belle aventure scientifique et humaine. Elle est créée donc à l'initiative des Afghans, puisque c'est le roi Amanullah qui était donc le roi d'Afghanistan qui a régné au début du XXe siècle, qui était un roi modernisateur, réformiste, et qui avait décidé de faire rentrer l'Afghanistan dans la modernité. Et pour faire rentrer l'Afghanistan dans la modernité, il a pensé qu'il fallait des infrastructures, il fallait des hôpitaux, il fallait de l'éducation, mais aussi il fallait une histoire. Son idée était de dire pas d'identité sans identité historique. Donc, pour ce faire, il se tourne donc vers les Français pour explorer la partie la plus ancienne de ce passé, ces parties les plus anciennes autour duquel il espérait effectivement, et je pense qu'il a réussi, et espérait créer justement le sentiment national et l'identité afghane. Pourquoi se tourner vers les Français justement? Alors là, c'est une histoire qui est assez complexe. En fait, beaucoup de gens s'intéressaient au passé ancien de l'Afghanistan, et en premier lieu, les Anglais. Les Anglais étaient les voisins immédiats, puisqu'ils occupaient les Indes britanniques, et donc ils avaient pour l'Afghanistan vraiment les yeux de chimène, et donc leur rêve était effectivement de travailler en Afghanistan. Certains Anglais ont travaillé d'ailleurs, mais en 1919, le roi Amanullah venait juste de terminer la troisième guerre anglo-afghane contre les Anglais, justement. Donc il paraissait difficile de faire ami-ami avec les ennemis d'hier. D'autres nations étaient intéressées, en particulier les Russes. Les Russes qui, dans leur étude de l'Asie centrale, eh bien, regardaient aussi d'un œil très incrédé, très intéressé l'Afghanistan. Et donc, à cette époque, la Russie, c'est l'URSS en pleine naissance, si je puis dire, avec toutes les contradictions de cette naissance. Et donc, il paraissait difficile au roi d'Afghanistan de s'adresser aux représentants d'un pays qui, pour l'instant, ne faisait pas l'unanimité sur le plan international. Donc, il se tourne vers les Français qui avaient une action très importante en Iran. Et donc, c'est un peu sur cette base-là qu'a commencé cette première aventure dont Alfred Fouché est en quelque sorte le pionnier, parce qu'en fait on peut considérer que c'est vraiment lui le fondateur de la DAFA. Et lui, et alors c'est aussi un élément très important, lui et sa femme. Donc Ena Bazin-Fouché, avec Alfred Fouché, c'est vraiment le binôme parfait qui se lance dans cette aventure extraordinaire, parce qu'effectivement c'est une aventure extraordinaire qui est de à la fois créer la DAFA, mais aussi essayer de répondre aux demandes du roi d'Afghanistan qui sont multiples. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une histoire qu'on leur demande d'aider à construire, mais on leur dit effectivement, puisque vous êtes français, vous connaissez bien le système éducatif, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer pour l'éducation, à tel point que Ena Bazin-Fouché a commencé à faire un petit manuel de français à l'usage des Afghans, donc a jeté en quelque sorte les premières bases de ce qui deviendra le lycée français de Kaboul. Dans les années 1920-1930, il y a toutes ces fouilles en Afghanistan. Justement, Nicolas Engel, l'histoire de l'Afghan est complexe, parce qu'aujourd'hui nous utilisons ce mot Afghanistan, mais bien souvent dans les lectures, c'est le mot de carrefour qui apparaît. Il y a énormément de civilisations, il y a des millénaires d'histoire. Quand la délégation archéologique française en Afghanistan se met en place, qu'espère-t-elle trouver? Que cherche-t-elle? Y a-t-il des périodes qui l'intéressent plus que d'autres? Alors, vous l'avez dit, et puis on l'a entendu dans le récit, dans la lettre d'Alfred Fouché, la première mission se passe à Bactre, donc Balkh aujourd'hui, dans le nord de l'Afghanistan. Et c'est vrai que la Balkh est un site qui est connu par les textes anciens, parce que on y pense que Alexandre le Grand y est passé. Il y a construit une ville. Et donc il y a vraiment cette idée de rechercher un peu au départ les traces d'Alexandre le Grand. Évidemment après, l'Afghanistan étant tellement riche en termes de patrimoine, les fouilles vont se diversifier et toutes les périodes vont être plus ou moins couvertes par la DAFA. Puis par la suite par des missions étrangères qui vont venir s'ajouter. Donc oui, l'histoire est gigantesque, hein, de la préhistoire jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce que je trouve passionnant avec cette délégation archéologique française en Afghanistan, c'est que nous avons une institution qui est en discussion, alors avec un État, celui du royaume afghan du moment, mais c'est-à-dire que les bases, Philippe Marquis, sont très claires dans les échanges entre les archéologues, l'État afghan. Alors d'une part, elles sont très claires avec l'État afghan, mais je dirais que c'est ce qui est le plus formidable, si je puis dire, dans le travail de l'archéologue au quotidien en Afghanistan, c'est qu'elles sont aussi très claires avec nos partenaires locaux. C'est-à-dire, donc on parlait de Bactre tout à l'heure, Nicolas rappelait donc toute l'importance du site, mais on y a travaillé donc avec Nicolas pendant plusieurs années, et notre grand plaisir, si je puis dire, quand on travaille sur un terrain comme celui-là, eh bien c'est de travailler avec des Afghans du coin, si je puis dire, avec les communautés qui vivent sur place, et puis de voir comment ces communautés, finalement, s'approprient petit à petit cette histoire. C'est la même chose sur à peu près tous les chantiers sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que il y a d'abord une histoire scientifique, il y a aussi une histoire humaine avec de proximité, si je puis dire, avec tous ces gens qu'on rencontre au quotidien, qui deviennent des familiers, des amis, on connaît leur famille. Parfois, sur certains sites, on a plusieurs générations qui travaillent. Et c'est cet aspect, cette vision de l'Afghanistan, des campagnes, des communautés, qui est absolument passionnante, parce qu'elle se surimpose, du coup, à cette vision scientifique, historique, transhistorique que nous avons. Et ça, je crois que c'est un atout formidable, parce qu'on a une vision de ce qui se passe dans l'Afghanistan que, finalement, peu de personnes peuvent avoir, sauf peut-être certains travailleurs humanitaires, par exemple. Une vision qui s'impose aussi à l'image véhiculée du Taliban. C'est vrai que nous avons d'un seul coup l'image extrêmement austère d'une population qui peut aujourd'hui soutenir en partie les Talibans. Or, par votre expérience, Nicolas Engel, vous l'avez vu, au contact de la population locale, il y a un intérêt aussi pour tous ces sites. Oui, il y a un intérêt. Puisqu'en fait, petit à petit, les ouvriers qui travaillent avec nous sur les fouilles, ils connaissent souvent les matériaux anciens, la brique de terre crue, le parsa, qui est une espèce de pisé, c'est toujours des matériaux qu'ils emploient. Donc il y a ce savoir-faire qui les intéresse, et puis quand on peut leur expliquer petit à petit, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de chercher, quel est le but, en fait, de creuser à tel endroit, ou pourquoi est-ce que là on va un peu plus vite à la pioche, pourquoi est-ce que là on s'attarde un petit peu au piochon, en fait on les amène petit à petit à s'approprier, à s'investir, en fait, dans ce patrimoine local dont ils sont, en fait, mine de rien, les gardiens. Oui, ils sont les gardiens. Et ce patrimoine, il faut le rappeler, extrêmement riche. Je disais tout à l'heure l'Afghanistan au carrefour de nombreuses routes, d'où des trésors qui, aujourd'hui, nous fascinent encore. En 1937, l'un de mes prédécesseurs, Joseph Akin, est tombé dans une ruine ni plus ni moins prometteuse que les autres, sur une sorte de dépôt de meubles précieux et d'objets d'art. Il y avait là, soigneusement rangés dans deux chambres, des centaines d'objets, des bronzes romains, des laques chinoises, des ivoires indiens, tout cela vieux d'environ 1800 ans. Comment, des objets chinois, indiens et romains mélangés? Oui, c'est étonnant, mais c'est ainsi. Et rien n'illustre mieux que cette extraordinaire trouvaille le rôle de carrefour de l'Asie qu'a joué l'Afghanistan. Et vous pouvez espérer faire d'autres trouvailles du même genre? Nous pouvons tout espérer. Mes prédécesseurs ont obtenu de grands succès dans le domaine de l'archéologie bouddhique, mais l'archéologie grecque de l'Afghanistan reste encore pratiquement inconnue. En 1949, l'archéologue Daniel Schlumberger s'exprimait à la radiodiffusion française à propos de l'Afghanistan, de son archéologie. Philippe Marquis, la délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA, est une institution mise en place au début du XXe siècle. Peut-on dire que l'histoire de l'Afghanistan était une découverte? Il y avait des grandes civilisations, alors gréco-romaines très étudiées, mésopotamiennes. Est-ce que l'Afghanistan était quelque chose qui préoccupait? Alors c'était un peu un point blanc sur la carte. Donc du coup, point blanc devient un point intéressant. Alors il y avait des informations qui circulaient. Il y avait surtout effectivement, comme l'a dit Nicolas Engel, des témoignages historiques qui attestaient donc en particulier donc de la présence d'Alexandre, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'en fait on a des témoignages historiques chinois aussi qui parlent de l'Afghanistan. Donc en fait on avait donc une base historique sur lequel broder. Et c'est tout à fait la lettre d'Alfred Fouché qui a été lue en est tout à fait l'illustration, c'est-à-dire que quand la DAFA naît en 1922, il faut aller en Bactriane, parce qu'effectivement, d'abord, il y a une espèce de magie du nom qui fait que les chercheurs du monde entier se disaient « il y a quelque chose à trouver en Bactriane ». Et en fait, l'idée qui s'est dégagée à cette époque-là, c'est qu'on allait trouver en Bactriane une civilisation qui serait justement une espèce de synthèse de ces influences orientales et occidentales. N'oublions pas que le début du XXe siècle, c'est la période pendant laquelle on fait de très grandes découvertes archéologiques dans d'autres régions du monde. En particulier, c'est la période pendant laquelle la civilisation minoenne commence à être mieux connue. C'est aussi la période 1922, c'est la période pendant laquelle on trouve la tombe de Toutankhamon. Donc il y a une espèce de vraie actualité archéologique à cette époque-là. Et donc, le contexte dans lequel la DAFA développe ses activités, c'est celui de « on va trouver quelque chose d'exceptionnel et donc on va trouver cette espèce de civilisation qui serait une espèce de mélange entre donc l'Orient et l'Occident ». Et les résultats sont un petit peu décevants pour Alfred Fouché. Je pense que maintenant, avec le recul du temps, on se dit effectivement, c'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément le recul nécessaire pour tout ça. Puisqu'effectivement, pour les périodes très anciennes, on pense par exemple à l'âge du bronze, on sait maintenant que dans toute cette région autour du bassin de la Moudaria, l'Oxus des Anciens, s'est développée au troisième millénaire une civilisation originale extrêmement riche. Et puis pour les périodes plus récentes, on a cette espèce de construction politique tout à fait extraordinaire, qui est ce qu'on appelle l'Empire Kushan, hein, qui est donc du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle de notre ère, va être en quelque sorte l'état tampon entre l'Empire romain et ses extensions et l'Empire chinois. Donc on est là au cœur du problème historique d'Afghanistan, ce rôle de carrefour, ce carrefour qui prend des fois une importance extrêmement, beaucoup plus grande que simplement le fait d'être un lieu de passage et devient un lieu de civilisation, un lieu de développement intellectuel. Nicolas Engel, effectivement, ça y est, l'idée qu'en Afghanistan peut se trouver cette civilisation antique qui mêle toutes ses influences grecques à celles de l'Asie, c'est dépassé. C'est surtout la cumulation de richesses patrimoniales à travers les siècles et presque jusqu'à aujourd'hui qui intéresse tous les travaux des archéologues maintenant. Oui, par exemple, pour revenir sur cette période, enfin l'art de cette période bouddhique, donc qui en gros couvre le premier millénaire de notre ère, on est maintenant avec les recherches actuelles que l'on peut croiser. On n'est plus seulement est-ce que c'est une influence grecque, est-ce que c'est une influence indienne, est-ce que c'est une influence par l'Empire romain. On sait maintenant qu'elle est avec des empires, des royaumes, une création sculpturale locale. Par exemple, avec sous la dynastie des Kushan ou Kushan, on sait qu'il y a aussi des choses qui se font in situ en Afghanistan. Et c'est pas seulement un carrefour où tout se brasse et qui vient de l'extérieur. Sur place même, il y a en fait des civilisations créatrices d'art, de patrimoine, avec toujours des idées de mémoire, de culte, de responsabilité de certains sur d'autres, etc. Donc des pouvoirs, vraiment, des villes. Toutes ces recherches, en fait, se construisent les unes les autres, se renforcent les unes les autres, et donc l'archéologie est une science vivante. L'archéologie, science vivante, avec un objet d'étude sublime, celui du territoire aujourd'hui couvert par l'Afghanistan, ce patrimoine qui nous fascine, évidemment, ce patrimoine, parfois immatériel, évocation avec Joseph Kessel. Ce jeu s'appelle le Bouskashi. Tient un bouc, on le décapite, on le remplit de sable et d'eau pour le rendre plus lourd, et il s'agit pour les concurrents de s'en saisir, de finir par le jeter au but tracé à la chaux et qui porte un nom qui date du temps de Gengis Khan, qui s'appelle Halal, c'est-à-dire le cercle de justice. Ce jeu est joué par des centaines de cavaliers qui sont en selle depuis, pour ainsi dire, leur naissance, sur des chevaux spécialement dressés à cela depuis des générations et des générations. Les bêtes sont sublimes, les cavaliers sont extraordinaires et la sauvagerie du jeu est indicible. Tous les coups sont permis, les cravaches coupent les visages des hommes, ils ne sentent même pas tellement ils sont pris par ce jeu. Et voilà une de ces cravaches qui m'a été donnée par un des chefs de Bouskashi et qui est mon dernier fétiche. C'est non seulement un fétiche, c'est aussi un symbole pour moi. Cette cravache me dit, ne t'arrête pas, tant que tu peux, voyage, regarde le monde. La vie n'est pas faite pour être stable, pour être embourgeoisée, pour être tranquille. La vie ne vaut la peine que si elle est risquée et si elle est toujours recommencée. Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans le cours de l'histoire, au cœur du monde, la longue histoire de l'Afghanistan, un territoire riche de son patrimoine, au trésor menacé, Philippe Marquis. Un des travaux principaux de la délégation archéologique française en Afghanistan, c'est aussi d'inventorier, de savoir là où se trouvent les richesses patrimoniales. C'est fondamental, en fait. Dès sa création, en 1922, la feuille de route de la DAFA est aussi de travailler sur un inventaire du patrimoine archéologique sous la forme d'une carte archéologique. Alors, ce projet de carte archéologique a été repris ensuite par les successeurs d'Alfred Jouchet, en particulier Daniel Schumberger, dont on a entendu la voix tout à l'heure. Et c'est un projet que nous poursuivons aussi avec des moyens un petit peu différents de ceux de nos prédécesseurs, puisqu'en fait, grosso modo, maintenant, l'exploration du territoire afghan dans ces zones les plus difficiles à atteindre peut se faire par le biais de photos satellites qui nous donnent des informations très précises sur l'état de ce que pourraient être les sites anciens d'Afghanistan. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. On va continuer à travailler, toujours en collaboration avec nos collègues afghans, de manière à essayer de faire une espèce de veille archéologique sur tous ces sites et de pouvoir vérifier leur état actuel, s'il y a des dégradations, quelles sont les menaces et ce qui serait possible de faire. Sachant que la première menace sur tous ces sites archéologiques est surtout une menace environnementale. Menace environnementale, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les effets du réchauffement climatique, de la des variations climatiques qu'on observe actuellement, se font sentir de façon beaucoup plus radicale en Afghanistan, puisqu'en fait c'est un pays qui a un couvert végétal extrêmement faible. Et donc, les phénomènes d'érosion sont complètement amplifiés. Donc, notre crainte, par exemple, pour un bâtiment tout à fait emblématique, qui est le minaret de Jam, hein, qui est un minaret qui est au cœur des montagnes afghanes, qui est un monument qui est probablement un des joyaux de l'art islamique, hein, qui date du 12e, 13e siècle, eh bien, c'est que ce minaret soit détruit par, non pas les hommes, mais par l'inaction des hommes face aux problèmes d'érosion, en particulier dus aux inondations fréquentes dans ce secteur des montagnes afghanes. Philippe Marquis, oui, vous avez raison d'insister sur cette menace liée à l'environnement. Nous parlons beaucoup des destructions par les talibans. Il y a une autre menace pour le patrimoine, c'est le pillage. On ne le dit jamais assez, mais le danger du pillage et se méfier sur le marché de l'art de toutes ces pièces qui circulent, se dire mais d'où viennent-elles ? Parce qu'il y a beaucoup de circulation d'œuvres d'art. Alors, le trafic des œuvres d'art et les fouilles clandestines ont pris une très grande ampleur pendant la période 95, même avant, disons, des années 80 jusqu'à 2000. À partir de 2000, en fait, il y a eu certainement une réduction des trafics et là, ces dernières années, on a eu l'impression que ces trafics reprenaient. C'est une catastrophe, en fait, puisqu'en fait, là, on voit que 90% des sites archéologiques d'Afghanistan ont été peu ou prou visités par les fouilleurs clandestins. Fouilleurs clandestins qui sont souvent les gens des villages, des gens qui trouvent un complément de ressources par ces fouilles clandestines. Et puis, tout ça, ça alimente effectivement un vaste trafic qui couvre la planète entière et qui est un trafic très dommageable pour l'histoire de ce pays. Oui, parce que nous comprenons l'esprit du collectionneur, mais bien penser à d'où viennent les œuvres. Et le mieux pour voir des œuvres du patrimoine afghan, c'est tout simplement de se rendre au musée. Je suis en ce moment au musée Guimet, dans la salle Joseph Aquin, où se dresse aujourd'hui la stèle élevée à sa mémoire. Dans quelques instants, le directeur des musées nationaux et le conservateur en chef du musée Guimet doivent prononcer des discours devant le représentant du ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres. Sur les murs roses pâles, les peintures afghanes se détachent avec un relief qui est vraiment étonnant. Dans les vitrines, il y a des vases irisés, des ivoires gravés, des statuettes, des poteries, qui sont d'une finesse, d'une expression absolument prodigieuse. Tous les conservateurs des musées nationaux et de la ville de Paris sont là, au grand complet. Beaucoup de femmes, très élégantes. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, d'où était originaire Joseph Aquin, est là également, à côté du prince Islam Beg, ministre d'Afghanistan. Tiens, je viens d'entendre un bien joli mot. Monsieur Fouché, membre de l'Institut, vient d'entrer dans la salle qui lui est dédiée. C'est grâce à ses travaux sur l'art gréco-bouddhique qu'on connaît mieux celui-ci. Et c'est M. Fouché qui a fondé la délégation archéologue en Afghanistan. Alors en entrant dans cette salle Fouché qui porte son nom, il a dit « C'est le privilège de la vieillesse de se commémorer elle-même ». Je voulais qu'il le dise devant le micro. Il m'a répondu qu'il n'avait même pas le téléphone alors que le micro lui faisait peur parce que ce n'était plus de son âge. Nous étions en 1947, un reportage de Clara Andiani pour l'inauguration du musée Guimet. Donc le musée Guimet, le musée national des arts asiatiques aujourd'hui. Ce musée Guimet, Nicolas Engel, a une très riche collection venue d'Afghanistan. Alors comment s'est constituée cette collection ? Alors la collection du musée Guimet, elle a été dès la création de la DAFA pensée. C'est-à-dire que les travaux de la DAFA ont toujours été encadrés par une convention signé entre la France et l'Afghanistan et qui précisait que la moitié des trouvailles lors des fouilles étaient dévolues au musée Guimet, en tout cas à la France et donc le musée Guimet. Donc petit à petit, en fait, les œuvres sont arrivées, au départ de Bamiyan, de Hada, et des salles ont été créées à partir de 1929 au musée Guimet. Donc toutes ces... Voilà, c'était l'objet d'un partage entre archéologues ou représentants du patrimoine afghan et puis les membres de la délégation archéologique française. Évidemment, il fallait que le partage soit équitable. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, pour les fouilles anciennes, c'est-à-dire des années 20, 30, 40, une partie des collections est conservée au musée Guimet en France. Ce qui évite d'ailleurs toutes ces questions de restitution que nous entendons régulièrement dans les actualités. Là, au moins, Philippe Marquis, il y avait une discussion préalable à la venue d'œuvres afghanes en France. Tout à fait, ça faisait partie donc de la base de l'accord entre le musée Guimet et puis, enfin en tout cas le gouvernement français et le gouvernement afghan. Donc les choses étaient parfaitement claires. Donc maintenant, avec ceci en plus, qui est quand même l'ironie de l'histoire, c'est que le musée de Kaboul a été pillé deux fois entre la période entre 92 et 81 et 95. Certains objets ont disparu, d'autres ont été détruits. Et c'est vrai que l'importance du musée Guimet et l'importance de la collection est capitale, puisqu'en fait, ça nous permet d'avoir une vision complète de collections qui, malheureusement, en Afghanistan, ont été un peu amputées de leur intégralité. Donc, c'est ça qui moi, me semble très important. Et puis, ne serait-ce que, en fait, en faisant ce partage, eh bien, on était tout à fait dans l'esprit de ce qui était l'ADN d'origine de la DAFA, c'est-à-dire un partenariat. C'est-à-dire que ce n'est pas des Afghans des Français qui travaillent en Afghanistan, c'est des Français qui travaillent avec des Afghans pour un but commun, c'est faire connaître aux Afghans et aux Français la richesse de ce patrimoine. Et ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui encore au musée Guimet de faire une réponse à ce qui se passe en Afghanistan et notamment par des expositions, parce que, eh bien, pour sauver le patrimoine et pour soutenir le patrimoine, il faut aussi le faire connaître, hein, Nicolas Engel. Il y a tout ce travail d'exposition du musée Guimet pour exposer la richesse patrimoniale afghane. C'est le rôle d'un musée de valoriser ses collections et de diffuser leurs connaissances auprès de tous. Effectivement, donc on ne va pas revenir jusqu'aux années 40 et les salles inaugurées, mais en 2002, il y a eu une exposition sur l'Afghanistan, en 2006-2007, une également sur l'Afghanistan. Ça, c'était lié à la redécouverte de trésors du musée de Kaboul, après l'épisode taliban des années 90. Et effectivement, il est toujours question, là, en 2022, d'une grande exposition sur l'Afghanistan pour célébrer les 100 ans de relations franco-afghanes et la naissance, le centenaire, de la délégation archéologique française. Oui, c'est une bonne occasion, fêter ce centenaire de cette délégation. Toujours l'idée que les institutions évoluent au fil du temps et des relations internationales. Alors, nous parlons de cette création en 1922, mais l'histoire de l'Afghanistan est une histoire complexe, Philippe Marquis. Cette délégation a-t-elle pu travailler tout le temps comme elle le souhaitait? J'imagine que non, parce qu'il y a les périodes de guerre, il y a les périodes de guerre mondiale, ou alors les guerres en Afghanistan. Oui, je crois que la DAFA est la bonne illustration de ce que peut être une institution scientifique stable, puisque pendant un siècle, elle a travaillé, pas forcément toujours en continu. Dès 1925, il était question en particulier que la DAFA suspende ses travaux, parce que il y avait une tribu afghane qui se rebellait, les Mangals. Ensuite, dans les années 30, il y a aussi de nouveaux troubles politiques en Afghanistan. Donc le roi Amanullah est renversé par celui qu'aucun appelle un usurpateur, d'autres effectivement un rénovateur aussi, l'émir Habibullah, surnommé aussi le Bacha Sakao, le fils du porteur d'eau. Donc à cette époque-là, les activités de la DAFA sont ralenties. Arrive la Seconde Guerre mondiale et en fait, de façon tout à fait intéressante, en dépit de la Seconde Guerre mondiale, la DAFA continue à travailler. Dans un contexte très particulier, puisqu'en fait, la personne qui est en quelque sorte le dépositaire de l'autorité de la DAFA, Joseph Akin, décide, alors qu'il est en Afghanistan, de rejoindre la France libre. Et là commence une épopée absolument incroyable. Et donc, il quitte l'Afghanistan, mais malgré tout, la DAFA continue à travailler, continuera à travailler pendant pratiquement toute la Seconde Guerre mondiale. Pour recommencer ensuite ses travaux de façon plus importante à partir de 44-45, surtout avec Daniel Schlumberger qu'on a entendu tout à l'heure. On a une grande période où les choses se passent relativement bien, si je puis dire, malgré le coup d'État de 73, le renversement du roi Zahir Shah par le régent Daoud, et la DAFA est en Afghanistan, et mes collègues, en l'occurrence Paul Bernard, quand un de mes prédécesseurs comme directeur de la DAFAB disait, on s'est aperçu de rien. On s'est couché avec un régime, on s'est levé avec un autre. Et puis ensuite, à partir de 78, la DAFA est toujours en Afghanistan, même après donc la prise de pouvoir par les gouvernements pro-communistes, et la DAFA ne partira d'Afghanistan qu'en 1982. Mais là, en 1982, les autorités allemandes, les autorités afghanes demandent en fait à la DAFA de cesser ses activités provisoirement pour des raisons de sécurité. Donc la DAFA se retire, tout en gardant des contacts avec les chercheurs afghans, avec pour certains le terrain afghan. Et l'activité de terrain de la DAFA ne reprendra donc qu'en 2002, avec donc la première mission que fera mon collègue Roland Besenval, appuyé par le grand conservateur, le grand directeur du musée Guimet, qui a été Jean-François Jarige. Et donc cette aventure qui était suspendue en quelque sorte reprend, puisque même si le mot est un peu galvaudé, je pense qu'effectivement il y a quelque chose de l'aventure dans la façon dont on travaille en Afghanistan, et dans le sens où effectivement on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Nicolas Engel, justement, vous êtes d'accord sur cette notion d'aventure, vous qui avez aussi travaillé en Afghanistan? Oui, je suis parfaitement d'accord. Il y a eu des hauts et des bas, hein. Les conventions, on parlait de conventions liant la France et l'Afghanistan, elles ont été renouvelées à différentes reprises, elles ont fait à chaque fois l'objet de négociations. C'est pour ça qu'à un moment, les objets ne sont plus partagés et que le musée Guimet cesse de recevoir une partie des trouvailles. C'est aussi pour ça que d'autres missions étrangères, italiennes, allemandes, soviétiques, arrivent en Afghanistan pour fouiller aux côtés des Français, toujours en partenariat avec les collègues afghans. Mais c'est ce partenariat toujours franco-afghan ou franco-italien, enfin afghan-italien ou ce que vous voulez, qui explique que même en temps de conflit ou en temps d'impossibilité d'aller sur le terrain, la recherche continue. Donc continuer la recherche aujourd'hui est tout à fait possible sur l'Afghanistan. La question du terrain est peut-être plus compliqué, mais on attend aussi de voir ce qu'il advient. Oui, parce que la question du terrain est quelque chose de fondamental, hein, nous le voyons bien pour l'Afghanistan. Philippe Marquis, c'est compliqué d'aller fouiller en Afghanistan déjà en soi, par les terrains à pratiquer, par les lieux à visiter. Faut le rappeler, l'hiver est rude en Afghanistan. Alors l'hiver est rude, les routes ne sont pas très bonnes, mais de façon générale, moi j'ai jamais trouvé ça très compliqué, si tu peux me permettre de faire parler mon expérience propre. Non, j'ai jamais trouvé ça très compliqué. J'ai trouvé, il y a d'autres terrains sur lesquels j'ai travaillé qui étaient plus compliqué, et assez paradoxalement, donc j'ai travaillé pendant très longtemps aussi comme archéologue de la ville de Paris, et donc quand les gens me disaient alors mais ça doit être compliqué, je dis vous savez, parfois il est plus difficile de négocier une fouille de sauvetage avec un promoteur parisien qu'avec un chef taliban. Donc du coup, je crois qu'il faut relativiser les choses. Je crois que surtout, je pense que c'est ce qu'a très bien montré aussi Nicolas Engel, je pense qu'on est très motivés. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes de la DAFA, depuis le début, ce sont des gens qui aiment ce pays, aiment leur métier. Je pense qu'on a aussi le sentiment qu'on est porteur de quelque chose, une transmission auprès des Afghans, mais aussi une transmission auprès de nos collègues qui viendront après nous. Donc c'est ça qui fait que, grosso modo, les difficultés du terrain, ça relève plus de l'exotisme. Enfin, il y avait Joseph Akin qui avait le sens des formules, d'ailleurs comme Alfred Pouché disait, je fais de l'archéologie comme un sport. Donc moi je ne fais pas de l'archéologie comme un sport parce que je fais très peu de sport de toute façon, mais en tout cas c'est un petit peu comme ça que je le prends, c'est-à-dire que c'est une façon de vivre, voilà. Oui, c'est une façon de vivre sur l'archéologie en Afghanistan, mais il y a vraiment toute cette réflexion à avoir sur la mise en place de la relation entre la France et l'Afghanistan du point de vue de l'archéologie, hein, avec la délégation archéologique française en Afghanistan dans les années 1920, qui avait pour but de renforcer l'identité afghane. Très bien. Mais j'ai envie de dire que c'est une réussite, parce que il y a le musée Guimet à Paris, il y a le musée de Kaboul, et puis il y a tous ces sites partout en Afghanistan. Donc il y a une vraie réussite. Nous parlons des destructions. S'il y a destruction, c'est aussi parce que le patrimoine a été mis en valeur. Oui, je pense que... Alors, moi, je dirais pas, je n'emploierai pas le mot réussite, mais je dirais qu'il y a des choses extrêmement positives qui ont été construites. Et bien au-delà, d'ailleurs, du patrimoine, puisqu'en fait, autour de la DAFA, en fait, sont venus s'agréger des quantités de chercheurs dans d'autres disciplines qui sont venus faire leur miel en Afghanistan, si je puis dire. C'est-à-dire que il y a, par exemple, des géologues, bien entendu, mais des paléontologues. Je pense que au père Albert de Laparent pour les géologues, aux paléontologues, je pense à Michel Brunet. Il y a des tas de chercheurs de très haut niveau qui ont fait leurs premières armes en Afghanistan, profitant souvent de justement des réseaux de la DAFA. Donc je pense que il y a vraiment autour de cette encore une fois, il y a une émission d'ailleurs, je crois que sur une chaîne qui appartient à votre groupe France Inter, qui s'appelle Les Saventuriers. Et donc je pense que effectivement la DAFA, ça fait un peu partie de cette discipline, les Saventuriers, c'est-à-dire des gens qui effectivement se vont un peu au bout de leurs limites personnelles pour essayer d'aller de guérir, de mettre à jour, de faire connaître ce trésor extraordinaire pour l'humanité qui est le patrimoine afghan. Faire connaître, c'est essentiel. Effectivement, l'archéologue n'est pas là pour être uniquement sur le terrain et fouiller pour un labo de recherche. C'est aussi diffuser. C'est un peu, et c'est même complètement, l'idée des expositions du musée Guimet. Il y a eu les expositions 2001-2006 qui étaient vraiment en écho, en réponse à ce qui s'est passé à cause des talibans, des destructions. Nicolas Engelin, vous êtes commissaire de l'exposition au musée Guimet pour les 100 ans de la DAFA, donc 2022. Quelle est l'ambition, quel est le projet? Parce qu'on ne refait pas encore la même exposition, il y a une vraie réflexion. Alors, il fallait effectivement un angle différent. Il était assez simple à trouver, c'était comme fil rouge, l'histoire de la délégation archéologique, la DAFA. Alors, c'est vrai qu'on est en train de revoir, ne sachant pas si l'on peut emprunter à Kaboul, et a priori... ça risque d'être compliqué. Il faut qu'on est en train de repenser un petit peu le concept. Mais l'histoire de la DAFA constitue le fil rouge. Il était aussi question de montrer comment, autour de la DAFA, comme l'a dit Philippe Marquis, des botanistes, des paléontologues, plusieurs en fait des ethnologues se sont greffés, sont venus en fait grâce à la DAFA découvrir un terrain qui était encore vierge pour eux. Il était aussi question, il sera question là dans l'exposition, d'aborder des thématiques, par exemple comment est-ce que les différentes missions, donc je pense notamment aux missions étrangères autres que françaises, ont pu compléter, apporter, amender certaines hypothèses qui avaient été formulées. C'est une construction commune qui se fait, sans oublier effectivement les Afghans qui, à partir de 1966, ont leur propre institut d'archéologie. À partir des années 70, ils ont un département des monuments historiques. Donc, eux-mêmes aussi entrent dans la danse en tant que propriétaires du patrimoine. C'était une construction commune. Cette construction, on va la montrer. On aura certainement moins d'objets, mais on a, avec, comme le disait Philippe Marquis, d'autres possibilités maintenant d'aborder le patrimoine, qui permettront en fait de maintenir un discours de ce type-là, sur la recherche archéologique, tout en ayant quelque chose de très beau, visuellement, et très intéressant. Oui, parce que c'est ça, hein, cette histoire, c'est l'histoire d'un pays, l'Afghanistan, c'est l'histoire aussi de son patrimoine, et puis c'est l'histoire de la découverte, et puis de la mise en valeur de ce patrimoine, histoire d'hommes, de femmes, on l'a dit, le couple Fouché, une histoire où il y a toujours de l'émotion. La mosquée d'Herat est célèbre comme une des plus grandes du monde. Bâtie aux environs de l'an 1200, elle a été restaurée plusieurs fois. Le magnifique décor qui recouvre toute la mosquée est un revêtement de carreaux de céramique où dominent les bleus et les verts. Non loin d'Herat, Gazerga abrite le mausolée du grand maître spirituel musulman, Khadja Abdullah Ansari. Et ce monument est aussi un admirable témoignage de la sculpture et de la calligraphie afghane au XVIe siècle. Aujourd'hui encore, la tombe du saint est visitée toute l'année par les pèlerins dont la tranquille sérénité ne nous étonne pas dans ce lieu de recueillement et de prière. C'est un autre monde que le nôtre, mais ici, dans ce silence, c'est vraiment le nôtre avec ses métros et ses autoroutes qui nous paraît incompréhensible. Le patrimoine islamique afghan. En 1961, la télévision française, beaucoup d'émotions, on le sent. Mais Philippe Marquis, il faut rappeler aussi que le patrimoine islamique est tout autant menacé en Afghanistan aujourd'hui. Alors je dirais que le premier patrimoine menacé, c'est le patrimoine islamique. Et il est menacé pour des raisons qu'on a détaillées un petit peu auparavant, c'est-à-dire qu'il est menacé de destruction pour des faits d'érosion et ou même par exemple des faits de développement, ce qui peut être un facteur tout à fait aggravant quand il se conjugue à l'érosion. Donc le passage qu'on vient d'entendre sur Herat fait tout à fait écho à nos préoccupations, parce que là, justement, on devait démarrer sur Herat, sur un endroit qui s'appelle le Moussala, sur la madrassa de Sultan Hussein Baykara, donc un monument du XVIe siècle. On devait commencer une opération financée en grande partie par Alif, la fondation qui a été créée à l'initiative du président Hollande pour intervenir dans les pays où le patrimoine est menacé pour raison de conflits ou de post-conflits. Donc c'est tout à fait fondamental. En plus, bon, la mention qui a été faite de Gazarga, du mausolée de Ansari, c'est quelque chose qui est d'abord, c'est un endroit magnifique. Hein, je veux dire, c'est effectivement un endroit de spiritualité. Et puis Ansari, ça a été un poète soufi, un penseur soufi qui a été beaucoup étudié par un Français, un dominicain, le père Serge de Bourgueil, qui a consacré toute sa vie en fait à ce chercheur et qui a aussi travaillé pour la DAFA. Donc voilà, ce patrimoine islamique, il est aussi important. Enfin, il n'y a pas de patrimoine qui soit plus important qu'un autre, de toute façon. Mais c'est vrai que, assez paradoxalement, c'est peut-être ce patrimoine islamique qui est le plus menacé à court terme. Et puis avec toujours cette idée hein, de la volonté d'utiliser le patrimoine dans les années 1920 pour créer une identité afghane, cette destruction aussi a des conséquences majeures. Philippe Marquis, elle peut détruire une identité. Détruire le patrimoine, c'est détruire une identité. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus clair, c'est que nous avons, notre identité est une identité historique pour beaucoup d'entre nous, et cette identité historique, elle est forgée par la culture qui nous vient de notre patrimoine. Donc c'est tout à fait fondamental de prendre en compte ce patrimoine, de le protéger, et un État finalement ne peut pas se construire s'il n'a pas cette dimension-là. Il ne peut pas en tout cas avoir de légitimité s'il n'intègre pas cette dimension-là. D'où son importance et d'où encore ce message qu'on essaye de faire passer un petit peu en boucle en disant voilà, il faut surtout pas laisser tomber le patrimoine afghan. C'est maintenant qu'il faut vraiment faire ce qu'il faut pour le protéger, pour, je dis pas l'éternité, mais en tout cas au moins pour l'humanité. Et même l'identité, peut-être pour l'État, et même plus que ça pour les individus. Hein. Merci vivement Philippe Marquis, merci beaucoup, merci Nicolas Engel. Le musée Guimet, il faut y aller. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, sur cette longue histoire afghane. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudas, Odile Jouessel, Jeanne Delecroix, Anne Grumbach. Une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jean Frédérics. Et une émission dont la programmation est assurée par My One Gives You, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.